Et bonjour, vous êtes toujours sur Radio Dio et c'est l'heure de l'Engrebelle. L'Engrebelle. Bonjour tout le monde, on est sur Radio Dio 89.5. Aujourd'hui, on avait prévu de vous parler des langues Chiapas et en fait, voilà, on va un peu reformuler ça, vu qu'on n'est que des personnes blanches qui viennent de plutôt par ici, qu'on n'est pas forcément concernés. En fait, ce dont on va parler, c'est de notre rapport aux langues indigènes et un peu à travers l'histoire d'un invité, Zanzanette, qui nous rejoint aujourd'hui et voilà, qui va nous raconter un petit bout de son histoire et on va toutes et tous réagir là-dessus. Voilà. Vecchia. Eh bien, bonjour à tutti. Ok, on commence tout de suite par écouter un petit morceau. Eh oui, une petite chanson. Par la route qu'avait emprunté Emiliano Zapata il y a moins d'un siècle. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos. Casi 500 años burlados. Casi 500 años de la argumentación del neoliberalismo es que la gente vale si puede comprar y si puede producir. Nosotros decimos la humanidad no puede valorarse en términos de mercado, sino de dignidad, conocimiento, capacidad. Hace mucho tiempo que esos eran valores humanos. C'est au Mexique régame au fin que je mets la poste au lieu à la télé, toujours oublié par la voix au fil. T'as faut m'accompagner dans la selva à la canon, où la cour de Chiapaneque depuis longtemps résonne. Exploité, maltraité, ça va faire 500 ans. Obligé de travailler très très très dur pour le diable blanc. Sur leur propre terre, elles sont victimes du silence. La communauté internationale ne pensant qu'à l'immense marché représenté par les pays se développer, plein de ressources naturelles, de main d'œuvre mal payée. Est-ce qu'au tacou régame au fin, carinco, carinco. Ya basta ragamuffin, ya basta, ya basta ragamuffin, ya basta. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Ya basta compañeros, ya basta, ya basta compañeros, ya basta. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Plus de 50 ans pouvoir aider le PRI, parti révolutionnaire institutionnel. Et puis c'est ce que les pays riches appellent la démocratie. Tant que coule et coule encore l'Europe inédite du profit avec les États-Unis et le Canada. Les signeurs les accordent, l'ALENA par-dessus la frontière de localisateurs de bras. Pas question de négociation, pas question de syndicat. La culture du maïs, ça c'est le passé. Il faut se mettre aux OGM et dans les fils travailler. Ya basta ragamuffin, ya basta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ya basta compañeros, ya basta. Ya basta compañeros, ya basta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Le 1er janvier, le Chiapas s'est alors brusquement enflammé, prenant le mes armes tenant tête à l'armée. Pas la voix du sous-commandant Marco si c'est exprimé. Puis Marco c'est un poster dans les journaux, les médias. Mais l'espoir n'est pas dans ce théâtre en langue de bois. Reconnaissons tous ceux qui louent des télévisions. Pas de corps au jour le jour à la contestation. Depuis Marco c'est un poster dans les journaux, les médias. Mais l'espoir n'est pas dans ce théâtre en langue de bois. Reconnaissons tous ceux qui louent des télévisions. Pas de corps au jour le jour à la contestation. Y'a basta ragamo fini, y'a basta, eh. Ou y'a basta ragamo fini, y'a basta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ya basta compañeros, ya basta, eh. Ya basta compañeros, ya basta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mangeant le silence, le veille nous attrape. Certains pères nous battent, FIFA sa patte. Télévision, c'est que libéral. Le bâtiment est multinational. Verras que des mangues, je suis d'un tabou. Picando au corps de Chine au papazou. Des lycées ou des seigneurs d'espérance. Ma fiste. Avant son livre secrète, des idas. Zapatiste. Au cause du monde, il abrase du contest. Du Toulouse jusqu'à Fou, enfin, nous reste une époque piste. Notre épantail zapatiste. Coer Yabasta, au groupe nord-méditerranéen, Montpellierain, de Sud-Occitanie, Mauresque, Fracade, Vetia. Tu veux présenter un peu plus la chanson, peut-être? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette Une chanson qui s'intéresse au Mexique, et particulièrement au mouvement zapatiste, au Chiapa, qui date déjà de quelques 15 ans, mais là, au Comoco. D'ailleurs, notre invité peut peut-être nous contextualiser un peu plus le... De quoi on parle. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici pour parler un peu d'une expérience personnelle d'Obe lo Chiapa et la langue indigène en India. Le mouvement zapatiste au Mexique est un mouvement, on va pas entrer dans le détail de tout ce que représente quelle lutte, mais il y a une idée forte dans le zapatisme, et je voudrais pour le peuple indigène des biurs, normalement, si je pourrais vous dire comment. Et il y a la liberté d'employer sa langue, c'est-à-dire, pour le Chiapas, c'est la langue maya, mais vous savez qu'au Mexique, il y a plus d'une centaine de langues régionales, minoritaires, indigènes, précolombiennes, qui sont encore par là et qui sont amenaçées par l'espagnol et la langue de l'État mexicain. Et comment tu as découvert tout ça, toi? Comment tu t'y es intéressé? Je me suis intéressé par un engagement personnel. Et je suis parti en voyage il y a 10 ans. Et l'idée était à la débutée des veilles comment s'organisait un mouvement autogestionnaire qui était un mouvement important à l'époque. Et c'est complexe. Et ce qui m'a... Donc, ouais, je suis allé pour ACO, pour avoir un système d'organisation différent, pour rencontrer le monde et ne pas là. Et je me suis rendu compte à un moment donné que la langue avait une place importante. Et c'est comme ça que je suis venu à tourner à apprendre ou à apprendre la langue de mon grand, de ma famille, parce que finalement, au Chiapas, j'ai rencontré des gens, donc des zapatistes, qui parlaient de la langue maternelle, mayrale, n'était pas l'espagnol, mais une langue maya. Et tout le monde qui venait d'un partout, notamment des Catalans, du monde au Pays Basque, des Bretons, et sont ils qui m'ont donné et qui m'ont après, finalement, que ma famille ne parlait pas une déformation du français, mais une langue originale et différente. Parce que, sans indiscrétion, tu viens d'où D'Ardèche. D'accord. Je suis une famille d'Ardèche. Et en rentrant au Mexique, qui est un catalan, et rentrant dans une communauté zapatiste. Et elle me parlait, m'a dit à un moment, Donna, mais et tu, ta famille, d'où t'es venu en France? Elle lui dit l'Ardèche. Puis après une temps, pour penser un peu, elle m'a dit, mais ta famille parle une patouée, donc avion connaît sur quel mot. Et elle lui dit, bah, une peau. Ouais. Et après, elle m'a dit, pense que la langue de ta famille est l'Occitan. Ah ouais, bon, ben. Bah. Belliobé, ouais. Et ouais, ben, en tournant ici en France, mais si on a un peu vaillé le monde de ma famille qui parle encore la langue, et ouais, mais si on a perçu qu'il y a des outils. Je trouve ça hyper fort que tu sois à l'autre bout du monde avec donc quelqu'un qui n'est pas non plus natif de là-bas et qui te parle, qu'il ait une connaissance. En tout cas, de la langue de ta famille, sans que toi, en fait, t'aies eu avant cette connaissance-là, en fait, en tout cas, de nommer la langue occitane, plutôt que dire patois, comme on. Parce que, après, ça fait écho aussi à un parcours personnel aussi, hein, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais du coup, je trouve ça assez fou, assez drôle. Oui, que ça fasse remettre en cause la francophonie qui semble peut-être aller de soi, et que, en fait, à l'autre bout du monde, tu te rends compte que t'étais pas francophone depuis le début. Ben ouais. Après, non, mais c'est. Ouais, il y a un choc, et ouais, d'apprendre à quoi, et connaître sur l'existence sur des Lusitans. Mais ouais, ok. Mais ça vaut pas être. Et puis réaliser que notre pays d'origine, et notre région d'origine, n'est-ce pas la patoisie. C'est vrai, parce qu'on avait déjà évoqué ça à d'autres émissions, le terme patois, comment on le voit, quelle réalité elle a derrière, quelle réalité on met derrière, tout ça. Et c'est vrai que tu réponds ça souvent dans Zanette, quand on te demande si tu parles patois, on dit patoisie, non. Ouais, que c'est un mot qui vient gommer du sens. Complètement, l'origine me semble des patois, patois en français, parler d'aubeluma, la main. De la pâte comme une bête. De la pâte, ouais. Hein, comme on a bien, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc. Okay. De patauger. Ouais. Non, bah, vas-y. Non, mais un néologisme au français de la Renaissance, au pince, au moment de la construction de l'État français. Mmh. Et ouais. Mais après, ce que on a pu dire aussi à d'autres émissions aussi, enfin, je ne vais pas refaire des discussions qu'on a déjà eues, même si je trouve qu'elles sont importantes. Ce mot patois, il peut être aussi vu comme une force et une manière de se réapproprier aussi un terme qui peut être insultant, mais de l'utiliser en tant que personne qui le parle pour revaloriser, on le voit avec d'autres oppressions, d'autres dominations, ou en fait, d'arriver à utiliser le terme qui est connoté négativement pour s'emparer et lui mettre un autre sens derrière et en faire une lutte. Enfin, il y a quelque chose, quand on dit « je prends des cours de patois », il y a quand même une force malgré tout, même si il me semble qu'il faut considérer ce côté-là, hein, de l'origine de ce mot et du côté négatif, mais de le prendre en compte, de pouvoir aussi l'utiliser, d'avoir le droit de l'utiliser, quoi. Je veux dire que ça pourrait devenir une force et qu'on pourrait se dire avec des Basques, des Bretons, des Catalans et des Occitans, et se dire en fait on vient tous de Patoisie. Ouais, ou par l'Emto. On vient de tous de cet endroit où on parle pas français, en fait. Et c'est ma grande idée, quoi. On aime toi. Et donc au Chiapas, y a plein de gens qui viennent de Patoisie aussi, visiblement. Ah bah ouais. La Patoisie est grande. Je sais pas si je vois que l'heure elle tourne. Je vous propose qu'on fasse un tout petit temps de pause, peut-être. Enfin, c'est peut-être un petit peu rapide, mais bon. Donc notre invité voulait nous proposer d'écouter une chanson. Je sais pas si on la présente avant ou on en parle après, comme vous voulez. Tu veux la présenter? Qui est une autre chanson populaire qui est beaucoup connue au Mexique.

la luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Ay, mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Donc c'était La Llorona de Chabela Vargas. Donc peut-être dire qu'on avait eu envie aussi de passer peut-être un morceau en langue indigène du coup, mais... En fait, vu qu'on ne connaît pas de personnes mayas, on n'a pas trouvé, on n'a pas eu accès à ces chansons-là. On n'a pas voulu sauter au pif sur le premier truc qui nous passait sous la main. Voilà, on trouvait ça peut-être un peu artificiel de chercher comme ça rapidement sur Internet une chanson en maya, alors voilà, on s'excuse si on a des locuteurs et des locutrices mayas, et on est preneuse si vous avez un chant maya intéressant qu'on pourrait passer la fois prochaine. Nous au mandat sur l'adresse mail lengrebelle@riseup.net, donc c'est lengrebelle@riseup.net. Et le tiret est le dé de 6. Oui, celui du 6. Mais voilà, on a l'air un peu tout timide comme ça, mais en fait, c'est qu'on a eu une espèce de grosse discussion juste avant de passer à l'antenne et qu'on se retrouve à demi-improviser par rapport au planning qu'on s'était fait, mais c'est très très bien. Mais c'était une discussion hyper intéressante. Ouais, voilà, c'était chouette, ça vaut le coup. Donc voilà, on n'est pas en grande pêche, mais on va prendre nos aises. En tout cas, merci à Zanzanet d'être parmi nous, parce que c'est très agréable d'avoir des invités. Donc moi, pour ma part, je trouve ça moi aussi agréable. Et, l'idée est de rôder par là un peu des liens entre la lutte qui se passe... au Chiapas, par exemple, et là, une autre lutte est de voir qu'il y a une sorte d'attente réciproque entre l'Ouzdou là, pour avancer mutuellement et de s'enrichir le jeune de la autre. Je ne sais pas si je peux intervenir. En ayant ce thème, on s'est un petit peu... renseigner, un peu comme on pouvait. On n'est pas spécialiste, on n'habite pas là-bas, mais il y a des choses qui font écho à des thèmes qui nous animent personnellement. Et moi, du coup, j'ai trouvé intéressant, je me suis un peu renseignée sur l'éducation un peu au Chiapas, et après, sans prétention, hein, c'est pas, je peux pas en parler puisque je connais pas spécialement précisément, mais il y avait des choses qui m'ont marqué, qui me semblaient intéressantes dans les questions qu'on se pose ici dans l'émission du rapport aux langues. C'est que j'ai l'impression que l'enseignement des langues, il est géré de manière, en tout cas dans la partie zapatiste, d'une manière directement des habitants, et du coup ça en fait un apprentissage directement liée avec les activités quotidiennes de la vie quotidienne. Enfin, je sais pas si je veux dire que l'apprentissage se fait plutôt dans la pratique que dans un cadre théorique. Ouais, alors oui, déjà les éducateurs, les éducatrices, ils sont très peu de pas de formation forcément universitaire, puisqu'ils sont en fait c'est des personnes de la municipalité. Et du coup, en assemblée, décider qui sera l'éducateur ou l'éducatrice de l'école. Et... De ce cas y compris, dans le système éducatif autonome, il y a l'idée des balias d'outils d'autonomie et des résistances au néolibéralisme. Ouais. Et donc, il y a toujours un coup qui n'est pas loin. Il n'y a pas trop des théories loin de la pratique. Ouais, ouais c'est vrai, c'est ça. Oui, t'as raison. Ouais, c'est une pratique. Mike et Mike, elles tournent de la terre. Et nous citons, c'est à quoi que c'est pas mal observé. C'est-à-dire que, au final, la langue occitane, bon, la langue indigène française, vous le dire, on commence à finir à disparaître au moment où la paysannerie a resté de se maintenir comme une activité traditionnelle en France. C'est pas la seule raison, mais la disparition de la paysannerie en France a amené à la disparition et l'escaffement progressif de la langue régionale, la minorité. Ouais, parce que du coup, la langue est vachement reliée au territoire et aux activités qui sont autour de ce territoire. Et du coup, c'est quand l'industrialisation arrive, tout ça, en fait, on est déconnecté. Comme on perd le sens des mots, des noms, des lieux dans lesquels on habite, et ben on se déconnecte de notre langue. Enfin, des lieux ou des activités, le fait de dans le trans, de cesser de manipuler les objets que décrit la langue, on en vient à perdre la nécessité de cette langue. Et par la laisser crever, quoi. Et c'est ce qui se passe sur les noms de plantes, sur beaucoup de mots, d'artisanat, enfin de savoir-faire. De ma trajectoire personnelle, des retours à la paysannerie ou de tentatives de retour à la paysannerie, sent-il possibilité de destination? Et période, il y a le paysan d'une costa et les agriculteurs de l'autre. Et la langue, c'est un des éléments qui font la différence. Une agriculteur, c'est un fou complètement de parler la langue. Parce qu'il va appliquer une biais de cultiver la terre, de travailler à la terre même, pas de cultiver, qu'est-ce uniformisa, qu'est-ce standardisa, et le technicien qui va lui expliquer comment va travailler la terre. Alors que les paysans vont déjà pas s'occuper simplement de ce qu'ils vont vendre, mais vont s'occuper déjà de ce qu'ils vont pas à Tsata, parce que l'autonomie alimentaire est importante, et auront une nécessité de connaître l'endroit, parce que leur envie sera de créer d'outils, mais pas d'outils qui viennent d'une autre planète, d'outils nouveaux par exemple, mais en continuité avec ce que c'est fait de devant. Et les ethnologues disent que quand perdent le nom d'un outil, eh bien, perdant l'outil, perdant complètement la fonction. Et donc, la langue, par exemple, est utile pour continuer à créer d'outils autonomes, adaptés à l'endré, et qui rendent autonomes, qui continuent de maintenir une autonomie forte. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, moi je trouve qu'on peut débouler là-dessus, sur le fait que dans ces endroits en lutte, ces endroits avec des langues indigènes qui sont fortes et qui sont présentes, malgré tout on continue à utiliser des langues coloniales comme moyen de communiquer entre différentes personnes qui parlent des langues indigènes. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, de ce que tu as pu voir? À Chiapas, il y a... quand je suis là, mais je pense que c'est toujours le cas à Lourdes, il y a une invitation, le mouvement zapatiste, à d'un peu la début ou un peu après, inviter le monde à devenir voir un peu ce qui se passe. il y a la, mi sembra che la volontà di partezza un po' la question de la lutte contre le néolibéralisme et pour la, l'humanité. Et donc, il y a mis et rencontré des mondes d'un partout, donc des mondes des Mayas et des mondes du Pays Basque, de Catalogne, bien rencontré des types qui venaient d'Iran, du Kurdistan Maï. Et, et ben, la langue commune est l'espagnol. Et à quoi moi du coup ça est une peau étrange le début des entre nous autres un territoire zapatiste d'employer une langue qui est une langue coloniale ouais. Et puis final moi il y a toujours une la volonté d'essayer d'apprendre une langue maya de pouvoir parler bien la langue d'Okaya mais bon avait pas toujours le temps et la facilité faille que la langue coloniale, bah, la langue qui se parle entre le monde et qui ben on va ce qui se passe. Il y a bien une critère linguistique pur des failles que la langue apparemment sont front différentes les unes des autres déjà. Il y a une intercompréhension entre la langue ouais parce qu'il y a maille d'une peuple et à per les zapatistes il y a maille d'une peuple maya et maille d'une langue maya. Il y a le Tzotzil, Tzotzal, Torolabal, il y en a d'autres. Le Maya Yucatec. Ouais, donc, mais je ne sais pas s'il y a des mouvements zapatistes okay. qui sont mes pinces ou pas. Et donc, ouais, il y a. Et mi avait dû des mounes qui venaient des caires différents, donc des zapatistes, qui se parlent avant en espagnol. Mais je ne sais pas s'il y a des langues qui sont intercompréhensibles. Ou pas, à audintre de toute la langue que se parle en. Diana, Luz Caracoles, Zapatiste. Mais, ouais, clairement, il y a à Homé l'emploi de la langue coloniale comme langue de communication des coquillas, à Homé, entre membres et Zapatistes. Mais pas à l'intérieur d'une communauté ou d'une municipalité. Comme ici, où on continue à utiliser le français, même à Langerbel, on parle français, vous voyez, on n'arrive pas à repartir dans l'indigène, c'est pas évident. Oui, c'est vrai que la place du français dans Langerbel pourrait être questionnée, remise en cause. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quand même notre langue, enfin la langue qu'on parle toutes les deux, en tout cas, dans la planète. Après, ce que y a, mes pinces, c'est un peu différent, est-ce que quand même l'Ucito... nous va accès sans trop des difficultés à une intercompréhension avec tout le monde latin. C'est vrai. Et yo, par exemple, si Anna au Portugal, elle parle aussitôt avec tout le monde, il n'y a pas de problème, le monde me comprenne. Ouais. Alors que Beléo, il y a des langues qui sont quand même à des distances moins grandes que la distance qu'il y a entre l'occitan et le portugais, ou encore l'occitan et le catalan, qui ne sont pas grosses du tout. L'occitan et le roumain aussi. Oh, Sveraï. Ouais. Roumain qui est quand même étonnamment proche. De l'occitan quand même. Oh, mais yo, quand il y a aussi parlé des Roumains, des moments, il y a l'impression d'avoir la mamette. Okay. c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une langue indigène qui appartient à une grosse famille de langues et qui nous permet d'aller loin. Bon, mais par exemple, le basque, qui est une langue indigène de France, n'a rien à voir. C'est difficile de faire de l'intercompréhension avec le basque, encore qu'on peut essayer. Il y a des mots d'espagnol qui ont été empruntés, qui sont dans le basque, du coup, cela on les capte, mais le reste. Il y a très beaux des basques qui sont passés au gascou. Ouais. Au gascou, hein. Ouais, un peu, ouais. Il y a des interférences. Substrat eux-mêmes. Oui, c'est ça, des interférences. C'est pas mal de se dire ça, qu'il y a des. De toute façon, par capillarité, les langues, elles finissent par se rencontrer dans la pratique, et que ça, on peut trop rien y faire. Trop bien. Après, Belé. On peut même l'encourager, je pense. Per la lecture qu'avait fait un peu sur ce qui s'est passé au Chiapas et au Mexique, elle a senti quelques éléments sur l'éducation, comme d'essayer de bouter la langue dans le système éducatif, qui semble que c'est pas évident. Oui. Un peu comme nous, parce qu'ils n'ont pas d'outils pédagogiques, ils ne savent pas trop comment s'y prennent. Ouais, c'est, moi, ce que j'avais pu aussi sentir en lisant quelques travaux, c'est que j'avais l'impression qu'au niveau de la transmission orale, il y avait plutôt des facilités, parce qu'il y avait de l'innovation, de... mais que quand il s'agissait de transmettre les langues mayas à l'écrit, les enseignants étaient un petit peu face à des difficultés parce que finalement, très peu d'outils et plutôt sur la langue écrite. Quoi, alors que quand même, une langue, aussi si elle a des traces écrites, ça lui donne quand même plus de force malgré tout, en tout cas pour subsister aux pressions. Dans le contexte actuel. Voilà, dans le contexte actuel, bien ouais, sûr. Voilà, bien peut-être qu'elle a plus de force dans le cadre d'un système éducatif qui se base sur l'écrit. Oui, mais après, je veux dire, pour subsister en tant que langue et pour trouver sa place dans un système comme il est actuel, en tout cas, il y a une pression de l'écrit qui fait que ça semble important de valoriser aussi l'écrit, malgré tout, malgré le fait qu'une langue, c'est d'abord orale. Je pense qu'après, voilà. C'est une question aussi de comment on défend les langues qui ne sont pas écrites, à côté de la pression des langues écrites qui ont forcément qui vont plus vite écraser les autres, parce que tout est adapté à l'écrit. Ce qui est trouvable comme via intéressante, est-ce d'avoir, par exemple, une activité comme une nouvelle discipline, est-ce réflexion sur la langue mayrale. Ah oui, que c'est pas simplement la transmission de la langue, mais d'avoir comme activité la réflexion sur la langue. Ouais. Et ACO montre qu'il y a une envie de créer, pas simplement de reproduire un système comme c'est fait par une langue dominante, par leur langue, mais d'essayer d'en aller au-delà de ACO. Et il y a l'idée d'université populaire, mais d'université qui vont loin dans des directions nouvelles. Ouais, carrément d'avoir un retour un peu réflexif sur le rapport de la place de la langue maya, en tout cas d'avoir une réflexion sur sa langue, c'est quand même ce serait bien qu'on ait ça donc. Regarde, est-ce qu'on fait pas ça à la chorale quand on fait de l'occitan inclusif? C'est vrai, c'est super, prendre des langues justement l'occitan, il y a cet espace pour le faire, pour se saisir de la langue et pour en faire ce qui nous plaît, pour éjecter ce qui nous plaît pas et pour la transformer qu'elle nous ressemble. Oui. Et que le français, c'est pas possible de faire ça. Quand des chants traditionnels qui nous plaisent parce que on aime la mélodie, on aime les voix, tout ça, et qu'en fait les textes nous plaisent pas en tant que tels et qu'on s'amuse à réinventer, réécrire tout en gardant des traces du traditionnel, et c'est un peu ça aussi. Hein, et l'exercice demande d'écrire des vocabulaires qui existent pas le moment. Hein. Tout à fait. Je vois vraiment que l'heure, elle tourne vite. On arrive à notre... on termine peut-être la discussion, là. Et on va arriver sur la rubrique toponymie, ou vous voulez peut-être conclure par quelque chose, je sais pas. On va continuer à filer ça, je pense. Ouais, Mick, il n'y avait pas une réflexion sur Peratsaba, la discussion, mais une sur le Kusta... de la facilité qu'avant d'obéir au citant de parler d'autres langues latines, pouvons penser que pour une langue maya, la veille est similaire, c'est-à-dire que dans l'espace d'Amérique centrale, il y a toute une fine des langues qui sont d'origine maya, fins à Honduras, final. Et donc, au Salvador, au Guatemala, à Honduras, il y a des langues, il y a toute une fune, sont des langues filles de maya d'origine, s'il y a eu, classique. Et donc, à quel période, pense qu'à quel inveille d'anavaire le peuple qui est sous en Amérique centrale et qui parle une langue maya est importante au maya. Nous autres, disons que l'occitan est facile pour parler ou comprendre à Homer le romanais ou le portugais, mais Periel, il y a Maï. Il y a une convergence sur... Ouais. C'est intéressant de repréciser ça. C'est aussi étendu, effectivement, il y a autant de possibilités. Sont des communautés, une Poma est petite qui est notre langue nationale. Mais ça commence à être pas mal grand, quand même. C'est grand, mais il y a toute une fume. Ok. Bon, ben, merci en tout cas pour tout ça. On passe à la rubrique toponymie. Toponymie. Toponymie. Et pardon, ça résonne. C'est la toponymie. Donc, vous essayez de faire une lien direct ou indirect, bah, une lien entre le Chiapas. Et du coup, vous parlez un peu des terres communes qui avaient perdu en Europe en grande partie et qui nous venaient pas mal de loin. Et par exemple, avec en Occitanie du Nord, au même très mou pour dire terre collective, quoir. Quoir qui est un mot qui vient de Galès, donc qui est une. Que veut dire qu'il y a bio une organisation collective des terres depuis au moins 2000 ans, ou Kiko Komoko, et qui est fin finale récemment, qui avait perdu tout à coup, ma nous démord le nous. Et si ça ne pas que quoir veut dire terre collective, terre commune, avait pas des points d'appui pour Tona Créa et Tona Imagina, une organisation collective qui me semble franc important parce qu'elle est une biaille des. D'empêcher, de permettre aux tout petits d'exister. Mm-mm. Et de niveler la pauvreté et les différentes propriétés. Et après, il y avait une cumine, donc, qui est une autre moue qu'on retrouve assez souvent. Dans le toponyme, dans le nom des lieux. Dans les noms de lieux, oui. Et qui a une sens un peu différent, qui vient d'une autre époque, mais qui est intéressant d'étudier à Maï et de. Et Kundamine, qui est parié, qui est une noun, qui se trouve facilement dans le paysage. C'est quoi les spécificités de chacun? Tu peux nous les expliquer un petit peu? Alors, la Kundamine, qui est une terre seigneuriale indivise, puis terre franche de droit, puisque seigneuriale. Et le terme a pu devenir terre noble franche d'impôts. D'accord, donc c'est un peu des terres indépendantes. Ouais, où il y a des drakes qui ont été garantis à des époques et pas à d'autres, ok. D'accord. Mac, il y a une lutte, Suzako, justement, d'exiger de ces bayas ou moyens. Mais des terres seigneuriales, quand même, sur les Kundamine, donc qui appartiendraient à l'époque où à quelqu'un, mais dont tout le monde aurait l'usage. Ouais, à l'époque, il y avait des seigneurs. À la liaison au seigneur. Oui, bah, aujourd'hui, c'est l'État. Héros, une marge d'autonomie qui est relayée, ça. Ok. Mais à quoi c'est trop maille un pays franco-provençal, non? Les Kundamine? Kundamine maille, ouais. Ouais, qu'est-ce commun. Et donc, des dédiés ce qui se passe un peu au Chiapas et au Mexique, en los Heredos, qui sont des terres communes et qui ont une gestion, des personnes qui s'en occupent, enfin la répartition, et comme bail des. Mais parce que nous bail des forces per tourna inventa et tourna bouta en place des espaces collectifs, communs, qui est, si ou pas, qui est différent d'un espace public. Mmh. Ah oui, le terme. Tourne Zanzanet dire ce qu'elle se dit tout tard sur le. Ouais, que le public, il dépossède le commun, parce que le public, il appartient à l'État, en fait, c'est ça, quand on parle de bien public, c'est le truc qui appartient à l'État, et où l'État nous laisse gracieusement circuler et venir passer un peu, tandis que le commun, il appartient à tout le monde, et c'est quand même une différence de sens qui est assez importante, je trouve. C'est vrai que c'est intéressant. Et le public nous a fait échubla. Oublié. Des drails maille fort, maille grand et maille. Ouais, on se dit plus que la rue, elle appartient à tout le monde. On se dit que là, c'est à l'État, c'est à la mairie, c'est à machin. Et que nous, on a bien de la chance de pouvoir y circuler. Et ça serait mieux autrement. Ouais. Ok. Je vous propose qu'on enchaîne. Il y avait une proposition d'écouter une chanson de Mosaïka Douce, c'est ça? Douce, qui s'appelle Era Pometa, je crois. Donc, allez, c'est parti. I'm Alors, Coero, le groupe Mosaïque, est un groupe occitano-amazir, précisément des, une peau entre Gascogne et l'Atlas. Ok. Donc, c'est, oui, c'était, ça a mélangé. C'était en quelle langue? C'était surtout en. Ati, c'est une chanson traditionnelle gascoune, en ouais. Rythmique. Voilà, avec des rythmes. C'est sur les rythmes et la percu que. Mais il y a d'autres sensus qui sont des chansons traditionnelles amazir et qui sont en BD rythmique occitane. Ok. Mélange, lui mélange. Du coup, on arrive sur notre rubrique lexique. Le lexique. Lexique. Alors, on a quoi comme mot lexique aujourd'hui? On a peut-être ce mot indigène qu'on n'arrête pas d'utiliser depuis tout à l'heure et qu'on n'a même pas pris le temps. Hein. De préciser. De préciser. Ouais, indigène. Du coup, on a utilisé aujourd'hui, on a vraiment beaucoup utilisé pour toutes les langues rebelles. D'habitude, on dit des langues rebelles, mais enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est la première fois en fait que j'ai l'impression qu'on utilise vraiment ce terme. Qu'on l'avait peut-être utilisé entre nous, mais pas. Mais voilà. Pas spécifiquement à l'antenne. Que c'est un mot complémentaire et un rebelle, finalement. Tout à fait. Mais qui est fort des sciences. Et donc, indigène, qui veut nous faire une petite étymologie, peut-être Bah, Gilles, Jean Zanette. Littéralement, viennent des hindus, mais semble. Lati et Jen, donc, viennent des Jenar. Donc, littéralement, ils naissent des diens. Né de l'endroit. Ouais. Et quoi, ils ont une signification forte. Père nous a autri. Père le monde qui se bat, ton père. Et qui est utilisé en opposition à ce qui se trouve avant la colonisation. Exactement, oui. C'est ça, en fait, c'est que ça insiste sur la langue qui était sur le territoire avant qu'il y ait eu une imposition un peu forcée d'une autre langue. Donc finalement, je trouve qu'elle elle met bien en écho le terme de langue rebelle. Et la langue, elle sera après la colonisation. Mais je trouve ça en fait assez fou qu'on n'ait pas plus utilisé ce mot avant dans l'émission. Enfin, ça me. Et en fait, c'est vrai qu'on habituellement, quand on parle des langues pour situer d'Amérique, Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est souvent quand même qu'on parle de langues indigènes et rarement qu'ils disent des langues régionales. Ouais, voilà. Et c'est vrai que finalement, dans le contexte, dans notre contexte ici. C'est rare qu'on n'ait pas parlé de l'anglais. Enfin, ouais, on n'a pas utilisé. Alors c'est tout aussi pertinent. On pourrait se réapproprier ce terme d'indigène. Et langue régionale me semble un peu réductou pour notre langue. Parce que, vous le dire, que ce qui le caractérise en premier, c'est d'être d'une région. C'est quelqu'un qui parle anglais, elle n'aime pas lui dire « Ah, t'es, serais-ce pas une régionaliste londonienne, tu ?» ou français, ou quelqu'un qui parle français, « Ah, mais ce parle aussi une langue régionale d'une autre région. » Et final, il y a d'emblée une hiérarchie qui s'éboute entre les langues en boutant la dénomination langue régionale. Ça me fait penser, du coup, ça revient un peu sur les langues au Chiapas. J'avais lu qu'en fait, le fait, enfin, je ne sais pas si c'est un rapport, mais du coup, je retrouve sur mes. Et en fait, au lieu que ce soit on pourrait croire que c'est un repli identitaire, une volonté de séparatisme, de vouloir apprendre des langues. Du territoire. Du coup, quand on entend langue régionale, je trouve que ça insiste un peu là-dessus. Ça fait une séparation. Alors que du coup, de parler de langue indigène, c'est plus une affirmation d'une différence linguistique, culturelle, sociopolitique, mais qui est contextualisée en fait, qui me permet le lien. Enfin, je sais pas comment. Si vous voyez un peu la. Ouais, puis c'est la volonté d'acquérir d'obtenir des dreilles. Oui, voilà, c'est des drais universaux, pas simplement. Pour toutes les langues indigènes de Patouasie. Ok. Il y avait un autre mot qui est un mot tout récent. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont inventé avant, mais. Ah ouais, ce petit mot tout neuf, là. Ouais, tout neuf, tout récent, qui. C'est créa Saint-Ouconeil, c'est à même dire. Ouais, on s'est demandé comment on pouvait dire un occitan buggé. Ouais. Alors, buggé, c'est déjà en anglais. Il y a ça, déjà, comme ce que vous voulez dire en anglais, avec pensa et abérifacio, qui est venu d'une bête. Il y a du bug de l'insecte. C'est demanda si c'est 10 jours en anglais, des fights. To bug. Ouais, parce que l'idée, sur le bug, est-ce que dans le premier ordinateur qu'il y avait dans les années 50, les insectes pouvaient faire une panne de médecine parce que venaient ces cramas sur le fil électrique de la médecine, de l'ordinateur. D'accord. Et le bug est exactement ça vient de là, ouais. Donc ouais. Ça vient vraiment de l'insecte. Oui, c'est vrai. Oh, mais vrai. Du coup, le mot bug, d'accord, mais pas le verbe. En français, s'utilise bugger, mais en anglais, s'utilise to bug. Ah. À cause, c'est une demande, quoi. On savait pas trop. Ah, le verbe. Mais du coup, on l'a fait direct en occitan. Parce Et en occitan, du coup, c'est une partie de notre bête, la sins. La sins, c'est la punaise. Vous connaissez bien les punaises qui volent n'importe comment et qui se cognent partout où elles passent. Et du coup, sinsa. Ok. Voilà, sinsa, c'est bugger en occitan. Bon. je crois que pour le lexique, est-ce qu'il y avait une autre proposition ou pas? Eh ben, je ne crois pas. Je crois qu'on va pouvoir passer. Moi qui ai parlé des mousses qui avaient nom de la Amérique. Oui. Ouais, on a voulu trouver un peu des mots qui venaient de langue maya et on n'en a pas trouvé. Bah pareil trop. En fait, c'est que un peu la même idée que tout à l'heure. C'est en fait on se sent pas forcément légitime à prononcer des mots qu'on prononcerait mal parce qu'on les a en fait surtout lus. Et on ne nous les a pas transmis de manière orale. Donc, pour revenir un peu sur cette idée-là, et du coup, on se demandait si ça valait la peine d'essayer de prononcer sans qu'on ait de... En fait, de... Bah, y a quand même quelques mots qui sont utilisés dans des langues d'Europe, comme tomate, voilà, c'est ça chocolat... Qu'on sait, mais qui ça sont des langues aztèques, du coup. Wow. Voilà, Nahuatl. Mais c'est possible qu'en maya, c'est déjà d'une vieille simila. Qu'il y a des mots proches, ça semblerait. Quand les Espagnols sont arrivés, il n'y avait pas final qui est l'impérien inca ou aztèque, et les Etsans y rend majoritairement dans quel monde. Mais quoi, on ne va pas dire que ce sont des langues d'origine commune, final, sur tout le territoire des Amériques, donc... C'est pas au Mike et... Mais c'est chouette de voir qu'à chaque fois, ce qui reste, c'est des noms de plantes, enfin de tomates ou, de cacao, enfin de fruits et de plantes qui poussent. Il y a le hamac, c'est pas un fruit ou une plante. Bah, c'est dans les arbres aussi. Hein. Ouais, parce que ce sont des réalités qu'il n'y a bio pas en Europe. Ah, si, ouais. Ok, on peut peut-être terminer, je suis désolée, je presse un peu, mais vas-y. C'est que j'ai un train. Enfin, il y a retard à l'autre. On enchaîne avec, du coup, notre nouvelle rubrique, enfin nouvelle, ça fait quelques émissions, mais c'est pas une rubrique, mais en tout cas, c'est le moment de la chanprise. Donc, La chanson surprise. C'est la chanson surprise. Et là, donc, c'est Zanzanette qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui est pas venue, mais qui nous a proposé une chanprise. Donc, on va l'écouter avec plaisir. Donc, on ne connaît pas cette chanson. Carreau piqueur sans trêve, des parties fait campagne, poussé par quel charmant, carotté dans belle paille, grimpe là-haut la montagne, comme celle résolution, pas autre dépitation, sauté baigne dans la compréhension, qui était vraiment totale, tout équilibre, sa bande la panorama. La plage, la réunion, ou bien dans cité béton, quantité la morale, zaté yaval. Malgré zot figure, lendemain coup de vent, t'es vu voir que ça n'avait plus de vent. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la main. Pour avoir fait plier en bas. Partout, partout, les eaux moins, l'été pour toi est un bon soutien. Mia connaît quoi, elle a fait plus de mal qu'elle n'y a. Marco Bompé n'aurait pas pu faire ça que toi elle a fait pour moi. Quand toi elle a ramassé à moi dans son mal. C'est pas docile pour l'abordage PC, païen beaucoup minier. Prends pas nous pour Coril, nous verrons retrouver notre île, pas trop martyrisée, et toute la dit la fait. À 6 ans, Dimi va bien, c'est à la course, il leur offra, pas si t'en bord, leur homme et toute leur va. Bon Dieu, Aster, derrière coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté ? Eh bien, ça s'appelait... Reste la Maloya. Et c'était de Wati Watia Zore Band. Donc, voilà. Très bien, très bien. Eh bien, c'était chouette. C'était du créole, du coup ? Ben, j'imagine que c'était du créole de La Réunion, oui. Ouais, ouais. C'était beau. Donc, on n'a pas les explications de notre... De Tanzanette. Mais merci Tanzanette pour cette belle champrise. Oui, c'est une belle champrise. Une exactement. Brave de Sansou. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Actu Langue. Finalement, avec une seule actu pour cette fois. Sauf si d'autres propositions. Mais si tu veux nous parler de l'Actu Langue. Donc, c'est une Actu Langue où il n'y aura pas trop de précisions précises. Parce que le canal pour avoir l'information est en cours des réglages. Explique-nous pourquoi. Et, en fait, c'est une information presse d'une journal en breton. Qui se disent « ya » et « yo » qu'on ne soit pas grand-via dans le breton, quelques mousses comme « co » qui sont des monochitos. Donc quand même, il faut dire voilà, que tu es en train d'apprendre le breton grâce à un journal auquel tu t'es abonné, non c'est bon, ça. Bon, mais je suis abonné pour apprendre le breton. Et donc du coup, l'actu-langue vient de ce journal en breton. Oh, un article qui fait une petite demi-page, mais dure 4 heures d'été. Ça tout est loose mousse au dictionnaire et de boutard de la marge. Alors, Sokaya Press, quand même, est sur notre rubrique de haut journal. Et à quelle rubrique est-ce Etre Broadel, qui veut dire international. Ok. Etre Broadel. Etre Broadel. Etre Broadel. Lexique. donc Vetia, qu'il y a des liens entre le lexique. Et donc, c'est une article sur une revendication linguistique en Kabylie. Et le titre est Boycott en Arabeg, Arvrasat et Kabylie. Donc, c'est le boycott de l'arabe. Qui après prend de l'ampleur en Kabylie. D'accord. Et donc, Beléo, de pas trop dans le détail, mais il y a y compris le slogan. Ok. Donc, Esbaya d'abord, d'un premier en version originale en tamazir. Donc, Ma Ulak Tamazir, Ulak Teart. Donc, Ambretou. Ma Neusket Amazir, Neusket Arabeg. Ok. Anushito. En occitan. Dit d'Amazir, dit des Bretons, dit des dit d'Arabes. Donc s'il y a pas de Tamazir, pas d'Arabe. Okay. À l'école. D'accord. Donc c'est une lutte en fait de défense pour que le Tamazir ait sa place dans l'enseignement de. D'une avis au public en général, mais qu'est une lutte menée par la ou lycéane. Ah ok, donc c'est d'accord, c'est ah, ouais, super. Des lycéens en lutte. Okay. Et des lycéennes. Et des lycéennes en lutte. Très bien. Ok. Bah, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres idées d'actu? Wow. Mais Mimi, je ne sais pas si on avait déjà parlé ici, mais il y a des mounes de l'OCNRS qui ont fait une atlas. Comment ça s'appelle? L'atlas sonore des langues régionales de France, qui est disponible sur Internet. Et. Ouais. Et ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un enregistrement d'une fable d'Ésope, d'une toute la langue d'une fable d'Ésope. Ésope. Ésope. C'est une note grecque, Ésope. Trop bien. Et il y a donc des enregistrements d'un partout en France, d'un partout. Donc il y a la langue créole, il y a un bretou, un alsacien, et mai. Un flamand, mais semble un catalan, un corse. Un arpita. Il n'y a pas un arpita. Et en éveil, il n'y a qu'à cliquer sur le lien, sur le point de l'endroit où on t'es enregistré. Il y avait l'enregistrement oral de la personne qui a fait sa traduction. Et comment ça au fait par les Anna? Eh bien, ça. C'est un maître et atlas régional des langues sonores sur l'internet. Sur les internets, alors les atlas internet. Sonore des langues régionales. Des langues régionales de France. Et le nom de laboratoire, c'est l'IMSI, me semble. Que fait Yacob. Et okay. Per Atzaba, toute la zone d'Aïchi, entre Anouné et Saint-Thièvre, il y a toute une fine d'enregistrement. Et l'endroit qui est le mail représentant, me semble. Watson, Vaillant. Et c'est vraiment chouette. Enfin, d'avoir, il y a plusieurs enregistrements en occitan. Du coup, on entend vraiment les spécificités de chaque personne qui parle, de chaque langue. Enfin, c'est trop, trop bien. Je vous conseille aussi. Ok, ouais. Bon, bah super. D'une même fable, quoi, dans plein de langues. Trop bien. Et bon, merci pour ces actus langues. On passe rapidement à la rubrique agenda, donc plus ici. Qu'est-ce qui se passe autour des langues dans le coin les semaines à venir? Peut-être qu'on peut commencer dans l'ordre, tout de suite au Romu Méninge à 18h30. 21 minutes. atelier d'Occitan, oh. C'est ça? Vous avez juste le temps d'arriver là, c'est bien. Alors cette fois, on n'a pas le temps de prendre un croissant ou c'était quoi? À chaque fois, on quitte ses pantoufles cette fois et on met ses chaussures, mais c'est de sabbat. Et on va vite au Romu Méninge. Comme Zanette. Voilà. Ce soir aussi, au Romu Méninge, mais à partir de 20h30, il y a une discussion atelier sur le post-colonial et une présentation de la brochure, vous avez dit post-co, par le CRAP. Le CRAP, c'est le collectif de réflexion, d'analyse et d'action post-coloniale. Donc on vous invite à y aller, je pense que ça va être assez chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'agenda ? Et il y a la chorale qui change de date et de fonctionnement. Donc maintenant, la chorale va répéter les mardis à 19h. Second et quatrième mardi du mois. Second et quatrième mardi du mois à 19h à l'amical laïque du Cred Rock pour l'instant. Voilà, dans la partie, enfin, à la cale de l'amical. Donc, voilà. Le rendez-vous venu est le 11 de décembre à 7 heures d'Auxerre. Ok. Et du coup, il y a une date, mais qui est un peu plus éloignée, ce serait en janvier. Ouais, dans l'an qui vient. Voilà. Une autre Anna. Le 26 de janvier, c'est fait la dicta occitane. Donc, un peu partout, en Occitanie, Maya, en Catalogne. Il y a une dicta, qui n'est pas un exercice et des tortures comme la dicta des mauvais souvenirs de l'école. Mais c'est qu'est un moment convivial et des boutas à l'honneur de la langue occitane par l'écrit. Ok, d'accord. Bon, mais avant de se quitter, on peut on remercie tous les Zanzanettes qui sont là. Ouais, merci, Zanzanettes. Merci. Zanzanettes. Et donc, on vous invite à écouter quand même la prochaine émission qui tombe le 26 décembre. Du coup, on va passer une rediffusion d'une émission passée, de nos débuts. Donc voilà, on vous invite à écouter Langue Rebelle le 26 décembre à 17h. Et sinon, on se retrouvera en direct en janvier, le 4e mercredi de janvier. Voilà. Eh ben, salut tout le monde et puis dans un peu longtemps quand même. Ah non, j'ai oublié une info. Oh, zut, pardon. C'est le 5 décembre, le mercredi 5 décembre, à la Cinémathèque de Tarentaise à 19h. Il y a Eliane Viennot qui vient pour faire une conférence sur je sais pas si tu veux présenter ce qu'elle écrit. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Donc voilà, sur toutes ces questions d'inclusivité de la langue. Et elle devait déjà venir une fois, ça avait été annulé. Elle est là le 5 décembre. Donc voilà, c'est un autre rendez-vous à ne pas louper. À bientôt. Et au coquet vin. Portez-vous bien. Adieu toutes.